Bon. Bon, ben quand tu veux. Quand qu'on veut. On la rajoute au montage, fait qu'on l'entend, c'est juste... Elle est longue un peu, hein? Non? Oh, hein? Vous pouvez rentrer, les gars, il y a de la place. Rentrez, c'est gratuit. Ah, ben vous faites le tour, c'est correct. Mega Manex, c'est le pire. Shots fired. All right, donc samedi le 7 novembre, en direct de Geekfest Montréal. Ouais, come ouais! On, hey, j'ai tout le temps voulu faire ça. C'est notre premier live à vie au Geekfest à Montréal. Nous sommes Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion. Ben, en fait, on essaye d'être une balado-diffusion québécoise traitant de la culture populaire et des passionnés. Accompagné avec moi aujourd'hui, Jonathan Milter. Bonjour, bonjour. Non, non, on peut l'applaudir pour vrai. Come on. Merci, merci. Pas d'applaudissements à moitié. Vous pouvez huer aussi, c'est vous. C'est ça, non. Vous faites comme ça vous tente. Hein. C'est gratuit, c'est non scripté. Éric Hébert. Oui, présent. Tout le monde qui mange à dîner, levez vos mains. Et animé par moi-même, André Paquette. Donc, dans le fond, un petit épisode spécial pour... Merci. C'était bon. Vous aviez pas l'air sûr. Donc, petit épisode spécial pour vous au niveau du Geekfest. On va vous faire une version écourtée du collectif où d'habitude, on débute en faisant des sujets d'actualité qui nous ont touchés dans les dernières semaines pour ensuite faire un sujet principal. Il n'y aura pas de sujet principal cette semaine parce qu'on est un peu contraint dans le temps, mais on va y aller avec des actualités. Donc, messieurs, qui voudrait ouvrir le bal dans ce premier opus en direct? C'est moi qui ai ouvert la dernière fois. Fait que Milter? Bon, ben, je vais ouvrir ça. Je vais essayer de bien ouvrir ça. Si tu me permets, Milter. Oui. En passant, on aime les interactions. Donc, si vous avez des injures, des commentaires, n'importe quoi, sentez-vous à l'aise. Criez fort pour que nos micros vous captent quand même. Puis on va faire ça. On a des doigts d'honneur dans le fond. Merci. Les expressions visuelles sont toujours les meilleures pour un podcast audio. C'est parfait. Merci. Oh, ben, quand tu vois, comme là, en ce moment. Présentement, il y a un homme qui danse, il shake ses fesses avec une queue. Je sais pas si c'est une avance. Moi, je pense que c'est une avance. Ouais, oh, c'est une avance. Hey, attends un peu, c'est un cosplay de Rocket Raccoon. Rocket Raccoon? Non. C'est juste une modification que j'ai faite avec du stock de Kamen Rider, des kunai de géant. Ah, ça, je me disais. Une queue. Ben, écoute, fais-nous ta danse, puis on start ça, mon homme. Une queue de renard, c'est un hey, une main d'applaudissement pour les modifications, là. C'est quoi ton nom? All right, merci, go Patrick. Patrick! Fait que Milter! Oui! Pendant que Patrick se déhanche telle une divinité... Ça va me déconcentrer un peu, je sens, parce que les queues qui shake de même devant le moi... Le pire, c'est qu'il aime vraiment c'est quelque ça, chose. En plus. Mais, OK... en passant, si t'as besoin d'autres alcools, il y en a au Nexus Bar, là. J'en ai pas besoin! Je pense excellent. Que c'est... Ouais, on va pas... Ouais, c'est... Il est correct, il a juste manqué d'air en essence, c'est correct. Comme le monde savent un peu, je suis un méga fan d'art de tout genre, comme la danse de Patrick. Mais quand je fais... Quand... Je suis un fan d'art de tout genre, j'ai étudié en art, en histoire de l'art. Puis dernièrement, sur Twitch, qui est une autre de mes passions... Pour de vrai, tu vas-tu rester là toute la petite show? OP, assis-toi, man. Non, non, non, non, non. Non, non, non. OK, attention, non, non, prête non. Le micro. Donne-y le micro, mais t'as comme 20 secondes. 20 c'était secondes. 20 secondes de gloire. Pikachu. Oh shit, c'est pas... Attends un peu, refais-le donc. Hein? Il est pas si pire, il est pas si pire que ça, attends un peu. Pikachu. Ça a l'air bidoufli. Non, c'est un Murloc, ça, en passant. Yeah! Patrick! Quelque chose. Tu t'assis-tu ou tu... OK, ah. Ben ciao. Ben écoute, bonne convention, mon âme. Je vais te croiser tantôt, on fera une petite capsule vidéo. À plus tard. Mais OK. Fait que Milter, trêve de plaisanterie. On repart sur le thème. Juste parenthèse, avant, j'avais suggéré qu'on questionne des gens comme ça dans le podcast. Puis ça s'est arrivé naturellement. On avait refusé au départ, puis c'est arrivé quand même. La meilleure idée. Mais OK. OK, on continue. Professionnel, les boys. Pour partir à zéro, comme la plupart du monde qui écoute le podcast peut-être d'habitude ou me connaissent, savent que je suis un très gros fan d'art de tout genre. Et dernièrement, en visualisant Twitch, qui est une autre de mes passions que j'aime checker constamment, qui a quasiment remplacé ma TV, j'ai découvert un jeune peintre incroyable sur la chaîne Twitch Creative, dans le fond, qui promouvoit tous les styles d'art. Fait que Twitch, avant, qui était réservé seulement qu'aux jeux vidéo, si on peut dire, a élaboré côté musique, côté podcasting, justement, côté plein d'autres affaires, dont Twitch Creative, qui gage une petite liste de choses que tu peux faire là-dessus. Tu ça, peux... c'est nouveau, ça? C'est arrivé quoi? Ça c'est pendant TwitchCon, hein, je pense. Un mois et demi, à peu près. Là. Au TwitchCon, ils ont lancé ça. Il y avait du monde qui se montrait dessiner pendant un bout de temps. Il y avait du monde qui s'essayait. Au début, ça se faisait bannir parce que c'était pas du jeu vidéo. Puis finalement, ils ont vu qu'il y avait un intérêt pour ça. Fait que Twitch a lancé le Twitch Creative. Fait que là-dessus, tu peux faire de la peinture, de la sculpture, que ça soit digital ou physique. Donc, si t'es bien bon avec Illustrator ou Photoshop, ça peut être là-dessus la aussi. La sculpture digitale? Ouais, je sais pas comment ça marche trop tôt, mais en tout cas, c'est peut-être rapport avec AutoCAD. Je m'excuse. Je sais pas quoi. Mais Studio Max represent. Eric, il fait. Tu peux faire du cosplay là-dessus, mais pas tu prépares tes ensembles, tu fais de la couture, tu peux faire des bijoux, tu peux faire, tu sais, le monde, ils font ça avec des perler beads, là, ils font des petits bonhommes en pixels, là, tu peux faire ça. Je sais pas c'est quoi qu'il y a d'intéressant à regarder ça, par exemple, mais... Tu peux le faire pareil. Tu peux faire des projets électroniques, de l'écriture, de la danse. Tu peux même tatouer du monde. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est un jeune peintre. En tout cas, moi, je l'avais jamais vu avant. J'ai recherché un peu sur le gars. Le gars, il s'appelle Robert Norman, de son prénom, Robert Norman. C'est un gars de la Floride. Fait que j'imagine que ça se dit Robert Norman plus que Robert Norman. Il aborde le look... Je dirais, je veux pas rentrer dans les préjugés, mais jeune hipster à la coupe frivole, afro, à chemise, déboutonnée. Je peux-tu dire, c'est quand même c'est un Jufro, non? Je sais pas. Mais attends un peu, Robert Norman, look un peu hipster qu'un Jufro. Y a-tu que Patrick Norman, c'est son cousin? Peut-être. C'est pas son vrai nom, Patrick Norman, par exemple. Pardon? C'est un nom d'artiste. Ton nom d'artiste, ça? Oui. Oui. C'est une mauvaise chose. J'ai aucune idée c'est quoi son vrai nom, mais c'est pas son vrai nom, Patrick Norman. Merci. En tout cas, tout vous l'avez entendu ici? Cet artiste-là, en tout cas, il est super posé, il est zen, comme ça se peut pas, il peinture. Mais qu'est-ce qui est fucké, c'est qu'il peinture avec des couteaux puis des grosses genre de brosses, pas des petits pinceaux à détail, puis des affaires de même, là, des grosses brosses que tu peinturerais un mur avec, puis tout. Puis il te fait des paysages de course. Puis en fouillant un peu sur lui, j'ai catché que le gars, c'est parce que il était dans l'armée, puis il était de la Floride, mais il est allé dans l'armée en Alaska. Fait que, déjà en partant, c'est un méchant contraste, OK, tu sais, le gars, rien que température, on s'entend, puis le monde en... En tout cas, ben non, le monde de la Floride, d'Alaska sont pas mal fuckés. Je sais pas s'il y a de quoi contre la chaleur, je pense que c'est juste fait envoyer, tu sais, l'armée, comment ils sont, ils te pointent, puis ils te crissent le plus loin possible de chez vous, là. Mais ils se mettent les tentes dans le front. Là, c'est ça. Floride, fait que lui, il était en Alaska. Puis là, pour passer son temps, parce qu'on s'entend qu'il n'y a absolument rien à faire là-bas, genre, ben il a commencé à peinturer. Puis il est inspiré par les paysages d'Alaska. Puis il trouvait ça bien beau, puis tout. Puis en tout cas, il faisait ça pour des passe-temps. Mais là, le gars, lui, il avait la job ingrate de crier après tout le monde. Lui, t'as vraiment étudié sur ce gars-là. Mais Chris, il me passionne. Je le regarde 6 heures par jour sur Twitch. Là. C'est... Il y avait la job de crier après le monde. Oui, mais tu sais, quand tu vois dans les cartoons de Bugs Bunny des années 40, là, full raciste puis misogyne, il y a comme un bonhomme d'armée qui crie tout le temps après tout le monde puis il te force à faire ton lit, faire tes patates, pas faire des patates, mais éplucher des patates puis laver la mop puis tout. Là, ben lui, c'était le gars qui criait après tout le monde. Puis il s'avait juré, puis ça, je trouvais ça fucké que c'était dans le Wikipédia, il s'avait juré, il dit « Moi, quand je vais sortir de l'armée un jour... » ouais, le gars, c'était malade, là. Il s'est juré « Moi, je vais arrêter de crier si je sors de l'armée. » Puis, ben le gars, il a arrêté de l'armée. Fait qu'il a arrêté de crier. Fait que là, il peinture sur Twitch, il est super relax. Puis ça, je dis, il est super zen avec son afro, puis sa chemise déboutonnée, puis il peinture avec ses couteaux. Je sais pas s'il a pogné ça dans l'armée, les couteaux, mais en tout cas, il peinture avec ça. Des fois, il y a des petits genres de bébés faucons, ses bras, pendant qu'il peinture. C'est vraiment, en tout cas, gars, il me mystifie. Je le regarde, je suis hypnotisé, je l'impose à mes enfants. Je les assis le divin, puis je dis, regardez ce gars-là. Vous êtes mieux de faire pareil comme ça dans 15 ans parce que c'est fou, c'est incroyable. Puis sinon papa t'aime plus. Non, sinon ça, papa a échoué dans la vie. Je te renie, c'est fini là, là. Fait que en tout cas le gars, à ce que j'ai compris, ben quand Twitch Creative est sorti, ben il a lâché l'armée. Puis il est allé peindre sur Twitch, puis à toutes les fois, tu sais, comme je vous dis là, 6 heures par jour là, depuis au moins un mois là, que je suis là-dessus là. Puis lui, il est là-dessus depuis un mois sans arrêt, là. Il mène 24 sur 24. C'est incroyable. Il mange-tu? Il fait quoi? Je le sais pas. Je le pogne pas dans les bouts qu'il mange, mais il peinture tout le temps. Hey, attends un peu. Dans le niveau Twitch Creative, on peut-tu faire des posts où on mange? Ça, c'est pas ça, attends, c'est bien fort en Chine. Attends, je pense que, me semble, j'ai vu Cooking tantôt. Fait que je pense que tu peux faire de la... Hey, si, je me passe-tu un channel Twitch de Doug? Mais là, on fait juste cramer des hot dogs live. On lâche pas cet homme mystère-là. OK, revenons à notre charmant affront. Cet homme-là me mystifie. Je voulais juste vous dire, il est là constamment. Si vous le connaissez pas, allez l'encourager. Son Twitch, c'est twitch.tv/Bob Ross. Puis ça, c'est une photo de lui. Yeah, c'est un artiste incroyable. Ah, lui, je pense que je l'ai croisé dans le Myland la semaine passée. Ouais, ça se peut. Je lui souhaite une longue carrière. Ben, il a de l'air de... Ouais, gars. Ah, il est cool. La peau, la chemise déboutonnée. Ses arbres, ils ont de l'air heureux. En tout cas, j'y souhaite un succès incroyable parce que du talent comme ça, ça mérite d'être découvert. Fait que... C'est ça, c'est... Hey, belle découverte des jeunes artistes comme ça qui commencent sur Twitch. Moi, j'aime ça quand on partage des connaissances avec nos auditeurs. Moi, des découvertes, puis des jeunes talents en devenir exponentiels, ça, j'adore. Fait que la semaine prochaine, Milter, on découvre Norman Amour? Peut-être, oui. J'ai... Câlisse, laisse-moi donc s'amuser, là. Too soon? Too soon. Ah, OK, on s'excuse. Ben, merci, Milter. Fait que Bob Ross, dans fait le fond... Bob Ross. Allez voir la chaîne Twitch. Je niaise pas, par exemple, pour célébrer le lancement de Twitch Creative. Il y a un marathon de Bob Ross, pour de vrai, qui est là depuis un mois. Puis je pense que le gars, il y a 15 saisons d'à peu près 96 épisodes par saison. Puis c'est même pas des jokes, là. J'avais recherché ça, là. Il y a au-dessus, je pense, de 30 000 peintures. Fait que c'est 30 000 épisodes. Encore une fois, tu sais, l'aspect où tu te sens un peu plus vieux. Tu sais, la génération qui pense que Paul McCartney, c'est le guitariste de Kanye West, puis qui découvre Bob Ross comme toi, il sort d'où, lui? T'sais. Même s'il est mort il y a 20 ans. Exactement. Ben merci, Milter. C'était vraiment instructif de ta part. Ça fait plaisir. Écoutez-moi, j'ai un petit sujet. Si tu me le permets, Eric, je te conserve pour la fin. Ouais, avant que tu y vas, je veux juste faire un petit shout-out au micro-ondes. Ça fournit les senteurs ici, j'aime ça. C'est-tu le micro-ondes qui joue Rocket League en même temps? Non, ouais. non, le micro-ondes est en train de faire un tournoi d'Extra Life. C'est multijoueurs qui ont leur Extra Life. Là, OK. Fait que dans le fond... Streamé au Nexus Bar 24h sur 24. Nexus Bar est ouvert 24h sur 24 en passant. C'est-tu vrai, ça? Ah, OK, bon... On aimerait que ce soit ouvert 24 heures, par exemple. Oui, ça vient du cœur. Non, mais le Nexus Smart Bar, par exemple, qui nous aide à nous... En nous enfargeant dans nos mots, le Nexus Smart Bar, dans le fond, qui ont participé au podcast Mania, dans le fond, qui vous sert des breuvages excellents à l'arrière. Fait qu'allez les voir. Guys, moi, dans le fond, il est arrivé un petit phénomène cette semaine. J'étais sur les internets, plus précisément sur les Instagram. Puis là, je voyais des photos, puis, tu sais, je suis tombé sur des gens qui faisaient des regrams d'une jeune femme qui s'appelle Essena O'Neill. Essena, E-S-S-E-N-A, O'Neill. OK. Dans le fond, qui est une jeune Australienne de 18 ans. C'est pas commun comme nom, hein? Non, c'est pas commun. C'est-tu commun en Australie? Ben, moi, je pensais que c'était son nom de cosplay, puis ça n'a rien à voir avec ça, finalement. Elle fait-tu du cosplay? Pas en tout. Ah. Fait qu'elle est Australienne, fait que, tu sais. C'est juste ça qui est donc, Essena O'Neill, qui avait environ 600 000 followers avant de quitter Instagram sous une controverse. Ah non, tu vas nous décrire ça, j'espère. C'est incroyable, c'est une histoire vraiment triste. J'ai manqué haut cette semaine, là, fait que je veux que tu remplisses ce vide-là. Ouais. Écoute, faut que tu l'enregistres, voyons, Eric. Donc, cette semaine, dans l'Auberge du Chien Noir... Fait que dans le fond, ça va bien. Ses 600 000 followers ont eu droit à un genre de breakdown émotif parce qu'elle, sa vie est tellement triste. Elle a 18 ans. Ils disent que c'est une mannequin. Elle a 600 000 followers. Puis là, elle a décidé de prendre ses photos qu'elle avait déjà publiées, qui avaient des milliers de likes là-dessus, et de donner la vraie version. Voulant dire, bien, sur cette photo de moi assis langoureusement sur la plage, j'ai passé 8 heures à reprendre la même photo parce que j'aimais pas la courbe de mon ventre. Ou bien, cette photo-là de moi sur un quai sur le bord de la beach de VSCO Cam, ben c'est une robe qu'on m'a fournie puis qu'on m'a demandé de prendre une photo sur le bord d'une plage pas de pour filtre? Le monde. Il y avait un filtre. Il y avait un filtre, OK. Oui, il y avait le filtre vintage, exactement. Hashtag vintage. Hashtag vintage. Astie, man, mais en gros, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est de faire un peu un standing en disant que les médias sociaux Je m'excuse, Milter, d'avance, mais les médias sociaux seraient fake. Oh! Écoute, là, je vais vous donner 30 secondes pour l'assimiler. J'ai dit, je vais vous donner 30 secondes. C'est correct. Donc, Essana, elle a décidé de prendre son compte Instagram puis de faire un statement puis de dire, c'est pas des vraies photos. Souvent, quand je porte quelque chose, le linge m'est donné par une compagnie pour me forcer à le porter pour faire du branding. Ma vie est triste. Mais... je passe 6 heures sur le banc d'une beach paradisiaque en bikini à essayer de prendre une photo. J'aime pas la courbe de mon ventre. Mais puis... la photo reste vraie. Mais la photo reste vraie, mais c'est, le contexte... c'est le qu'est-ce qu'elle écrit en dessous qui est carrément faux. Ben, tu sais, c'est sûr que le, si t'écris hashtag je suis à la plage, j'ai du plaisir, je viens de manger deux poutines et une grosse extra large, c'est pas la vraie vie. Attends, là. Deux poutines? Attends, wow. T'es en train de me dire que ça se peut que des gens sur l'Internet s'amusent pas autant qu'on le pense? Je pense que malheureusement, c'est une triste réalité. Câlisse. OK, continue avec ton histoire, j'ai mal au cœur de blasphème, là. Hein? Écoute, moi, j'ai été outré. Je crois pas à ça. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai mis sur le bord du lavabo pendant que j'étais sur la bolle. Puis, grosso modo... Par en avant ou par en arrière? Ben, en avant, tu veux pas d'éclaboussure dessus. Non, je voulais dire, tu t'essuies. Ah non, ça, on n'en parlera pas en public. Mais là, pour rajouter à la controverse, la petite Essana fait son coming out. Et par la suite, on a le Huffington Post qui s'en mêle en disant que c'est pas vrai. Hey, les journalistes payés de Huffington Post. Non, mais là, on va y aller, c'est méta. C'est pas vrai, c'est pas de vrai dire que c'est pas sa vrai. Vie est pas, sa fausse vie n'est pas vraie. C'est ça. C'est double négative, là. OK. C'est fait, sa c'est fausse vie n'est pas vraie. Ouais. Fait que dans le fond, sa fausse vraie vie est juste exponentielle, puis c'était juste vrai fois 1000. C'est ça? André est pas une gorgée, là, parce que. Je suis. Il en prend deux. Deux. Ben, c'est un peu ça. Puis ouais, là, okay. c'est un peu, là, je sais plus à qui me fier, tu sais, le Huffington Post ou, tu sais, EliteDaily.com ou, le compte Instagram qui est fermé toujours. Maintenant. Mais là, il n'y a pas rien que ça. Là, ça se corse en plus. Voulant embarquer dans le bandwagon de la gloire de la petite Essana, ses amis se sont mis à la dénoncer en faisant des vidéos sur YouTube et Vimeo. Fait que là, ça pleure, puis ça dit « c'est pas vrai, la vie n'est pas aussi fake qu'on le pense sur Instagram, etc., etc. » Puis, ça ressemble à ça. En tout cas, moi, toutes les photos de Lamborghini que je pose, c'est toutes vraies. C'est... Ben, ils appartiennent à quelqu'un. Oui, pas moi, mais c'est des vraies Lamborghini. Mais pour les gens qui te suivent sur Instagram, la vraie chose, c'est que les photos de Lamborghini sont vraies, mais à chaque fois qu'on va une boîte de Kraft Dinner, elle est photoshopée, par exemple. Tu à cause que tu as lu tous ces livres-là? Oui. Okay. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a compris, mais c'est bon. Somme toute, je vous invite à aller voir le site qui est vrai/pas vrai, mais rendu là, on ne sait plus trop. Ça s'appelle letsbegamechangers.com. Dans le fond, c'est le site de Essana, peu importe. On veut « really » l'Internet. Oui, dans le fond, elle veut rendre l'Internet vrai. Je pense qu'elle est peut-être une vingtaine d'années en retard. En gros, elle, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quand tu postes une photo... toi en bikini qui a pris 6 heures puis qui t'a fait chier toute la journée parce que tu voulais une belle courbe de je sais pas quelle partie de ton corps, à la place d'écrire hashtag great day, hashtag no filter, hashtag beautiful body, faut que t'écris hashtag journée de marde, hashtag 6 heures comme une conne apaisée sur le piton, hashtag cassé je fais ici. Hashtag t'étais quand même sur le bord de la beach, maudit épaisse. Mais tu postes la même photo. Oui, c'est la même photo. C'est juste, tout est une question de perception, Milter. Puis depuis quand que c'est plate de recevoir 2000$ pour prendre une photo avec une robe? Je sais pas, moi, donne-moi une robe, donne-moi 2000$. Tout le monde a donné de l'argent à Milter. Mais en fait, Milter, laisse-moi te caler, parce que là-dessus, on va rendre de quoi de public aujourd'hui. Okay. Milter s'est fait payer 1,50$ pour une barbe. Oui. Et depuis ce jour, il l'affiche fièrement. Il attend le 20$ pour sa affaire rasée. Oui. Après un an, j'ai 20$. C'est Dollar Beard Club. Eux autres, ils m'ont donné ça, ce deal-là. Il me reste 2 mois. Fait qu'en gros, ça ressemblait à ça pour moi cette semaine. C'est les gros shock value qui m'a fait me questionner sur la vie. Essana, je vais le boucher une autre fois, mais Essana O'Neill. O'Neill, moi, côté O'Neill, même enfant. Côté O'Neill, même combat, Rive-Sud. Ouais. Éric, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi cette semaine, mon cher? Plein de choses. OK, mais mettons que tu en choisis une. Mais j'ai travaillé. Fait que nous sommes Geek Collectif. Merci à tous. Mais ouais, c'est ça. Le but des nouvelles aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du Moi, j'étais un gros fan de World of Warcraft, puis de Warcraft en général depuis Humans and Orcs. On a vu ça tantôt quand t'as crashé le podcast de VidGeekette, puis que t'as parlé de WoW pendant 15 minutes. C'est légitime, les relations sociales virtuelles. Oui, oui, oui. C'est un argument à être discuté un jour. Ben c'est ça, j'ai vu le trailer. Ça fait longtemps qu'on attend du film. Le film, il était supposé... Merci, hein, bon dîner. C'était bien de vous voir. Excellent. qu'est-ce qui est bien, c'est que du côté de Warcraft, ça fait quand même ça fait des années que je suis l'histoire. Quand j'étais ado, je tripais énormément sur l'histoire de Humans and Orcs. J'aimais l'idée de ces orcs-là qui avaient apparu de nulle part dans un... T'sais, faut que tu imagines, si vous connaissez pas Warcraft un peu, imagine le monde fantastique, tout beau avec les humains, comme qu'on les connaît. Puis des créatures fantastiques, ouais. Comme des humains. Ben comme c'est Eric ça. Vindy. Mais les humains sont toujours le point central, mais sont tout le temps en train de se chicaner ça par différents même royaumes. Pas les humains. Il y a des dwarfs, etc. T'as les elfes qui sont en train de faire, sont en train de leur trou de cul dans le nord caché. Mais c'est ça. Mais ils font ça les elfes tout le temps. Les elfes ils font tout le temps ça. Là. Okay. Ils m'ont toujours fait chier pour ça. Fait que là, il y a une belle place, des humains, des elfes, des gnomes. Tout marche bien. Puis là, tout d'un coup, il y a des orcs qui arrivent de nulle part. Puis ils font quoi, eux autres? Puis ils fucking fuck le shit, man. Y a-tu du monde qui savent pas c'est quoi un orc ici? Bon, OK. Même pas vous autres, en train de manger votre dîner? Non, personne? OK. Attends un peu. Fait que là, tu dis que tout va bien. Tout va bien. Les orcs arrivent. Tout d'un coup, il y a des orcs qui apparaissent, puis on sait pas pourquoi, mais finalement, t'apprends qu'ils apparaissaient d'un portail. Puis. Qui a dit for the horde? Non, il a dit fuck la horde. Fuck la horde, yeah! OK, yeah. Good. Parce que si c'était pour être l'autre, là, j'étais pour être en tabarnak. Mais attends un peu, Eric, tu dis que c'est un royaume fantastique. Il y a des elfes dans le nord qui pètent plus haut que le trou. Jusqu'à temps qu'il y ait un twist à la fin du film, le spoiler. Attends un peu, c'est comme quand ils ont ouvert le métro à Laval, ça. Un peu, tout ouais. Tout allait bien, puis là, maintenant, ils ouvrent le métro. Puis d'un coup, les Night Elves de Laval, ils peuvent travailler facilement à Montréal. Mais de toute façon, ça fait des années qu'on attend puis qu'il parle d'un film de Warcraft, mais un vrai film. Là. Puis... Attends, j'aimerais rappeler aux gens, Eric, il dit le vrai film, un vrai film de World of Warcraft. J'aimerais rappeler aux gens, il y a très longtemps, j'ai droppé une théorie. Ah, mais on n'est pas en train de mettre. Non, lorsqu'on n'est pas, pour le monde qui écoute en audio seulement, je touche l'épaule à Eric présentement. C'est très langoureux en passant. Mais moi, j'ai une théorie que le film de World of Warcraft n'est pas un seul film. C'est probablement le marketing cinématographique le mieux caché. By the way, c'était pas une théorie, c'était un inside info. Là. Je sais, mais... Faut pas, parce que le monde, faut pas qu'il sache. Faut pas qu'il sache quoi? Moi, c'est exclusif à vous autres. Moi, gros secret, tout le monde. Là. Tout le monde qui sont de site, il y a des connexions à l'interne de l'industrie. En sortant, là, c'est le temps d'enregistrer. Pour vous signer un waiver, là, vous pouvez pas dire ça à personne. Il va y avoir deux films de World of Warcraft. Les deux... Oui, wow! Okay, merci d'avoir écouté merci de spoiler. Mais c'est pour ça que, c'est pour ça que je rappelle la théorie toi? Aux gens. Ceux qui le savent pas, puis il y a ceux qui le savent, qui écoutent déjà, j'ai une théorie que le marketing cinématographique le mieux caché de l'histoire est le film The World of Warcraft. Parce qu'on sait tous qu'ils ont des millions et des millions et des millions et probablement des milliards. Vas-y avec ta théorie, là, parce que j'ai ma nouvelle à continuer. Puis... C'est... Attends, moi, c'est bien plus gros que ça. OK, Bob Ross. OK, mais maintenant que t'as deux minutes, Je brise tout, là, ici, là. Il va y avoir deux films. Il va en avoir un pour le Horde, qui va gagner à la fin. Il était pour l'Alliance, lui, en passant. Je le sais, c'est pour ça que je le pointe, pour dire qu'il va se planter. Puis il va y avoir l'autre film pour l'autre gang, là, les gentils. Là, L'Alliance, Milton. Ouais, eux autres. Fait que... Tu vas choisir, ou peut-être tu choisiras même pas pour la surprise, puis là, un moment donné, tu vas pouvoir arriver à la salle de cinéma, tu vas prendre ton billet, puis là, le gars au cinéma, il va dire « Horde ou Alliance ». OK. Puis bon. Là, tu vas choisir, puis il y en a un des deux qui gagne, puis qui a une finale différente à chaque film. OK. Je suis sûr. Fait que, contrairement à Milter... Ça a-tu eu l'effet voulu, ou... Okay. Non, mais ils vont tous, dans une couple de mois, revenir. Ah, tu le gars au GeekFest, il avait raison. En Chris, là, faut que je retourne voir l'autre version. Il m'a donné 20$, ça va. Je peux-tu continuer mes nouvelles? OK. Bon. Alors, finalement, on a eu le trailer hier. Si quelqu'un. Y a-tu du monde qui connaisse Warcraft quand même? Là? On parle de rien, là, mais y a-tu du monde, levez vos mains, là, vous savez c'est quoi? OK, 2, 3, 4, 5. OK, t'as un peu la vraie question. Y a-tu du monde qui vont l'avouer en public? Qui joue vraiment à World of Warcraft. Non, pas jouer. Tu sais quoi, jouer, je comprends. Vous avez arrêté, mais etc. Tout le monde mais arrête. C'est, tout le monde arrête un jour, sauf moi. Merci. Non, mais tout le monde commence. Bienvenue, Blizzard. Même quand je joue pas pendant 4 mois, je vois ma facture. Mais ceci étant dit, finalement, on a vu le trailer du film. Ça fait longtemps qu'on attend. Puis si vous connaissez Warcraft un peu, c'est clairement inspiré sur quelque chose qui s'appelle le First War. Je m'en vais complètement nerd sur vous autres. Mais dans le First War, c'est pas mal la formation de l'Alliance. Fait que si vous êtes des fans de l'Alliance, vous allez voir l'Alliance avec comment ça s'appelait? Aragorn. Aragorn. Tu demandes vraiment ça à moi? Ah, shit, pas Aragorn, c'est vrai. L'auteur, j'ai mélange. Qui va se promener à l'entour d'Azeroth, puis qui va former l'Alliance pour se battre contre cette infestation-là de la Horde. Azeroth, c'est pas un bar à 132, ça? Ben, c'est juste à côté du Nexus Bar, justement, sur Saint-Denis. C'est pas un jeu. Sur Ontario, au coin de Saint-Denis. C'est quoi le Soul Calibur? Situé? Fait qu'on a vu le trailer, puis moi, je suis crissement content. Mais ma nouvelle est pas juste du trailer, mais c'est aussi du BlizzCon. Non! Puis. Je voulais vous parler un petit peu... C'est quoi ça, un BlizzCon, Eric? BlizzCon, c'est où ce que tous les fans de tout ce qui est Blizzard se rencontrent à Anaheim. Ils se battent pour des billets. Il y a 25 000 billets seulement. C'est toujours tout vendu. Eux autres, cette compagnie-là, ils ont une convention juste à eux autres? Blizzard, ouais. Blizzard, okay. Blizzard, c'est quand même une compagnie. Je sais pas si tu as entendu parler de la compagnie Blizzard vaguement, Entertainment. Là, vaguement, mais... Mais ils sont un peu populaires. Back on track, boys! OK. Ils sont très populaires, en fait. Puis il y a une couple d'annonces qui ont sorti. Puis là, je vais rester un petit peu sur les nouvelles de Blizzard parce que c'est ça que je fais. Parce que je veux pas nerd out sur toute l'histoire de Warcraft. C'est pas ça que tu fais, là, 10 minutes? Non, parce que je me suis fait interrompre par sa christie de théorie. Qui est vrai. Que je vais planter. Tu sais, il va avoir deux trailers. Un trailer Horde, un trailer Alliance. Pour deux films. Hey, Rick, c'est-tu vrai que tous les gnomes du film, c'est Rick Moranis? Son comeback. Too soon, man. Ah oh non, il est pas mort. Non, il est juste mort, lâché, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a lâché, il est acteur. Ouais. Un moment de silence pour Rick Moranis. Y a-tu du monde qui sait c'est qui Rick vrai, Moranis? Ouais, le seigneur des clés. Le mec de Warcraft, quand même. J'aime ça, c'est quand même pas pire. Mais pour continuer ces nouvelles de BlizzCon, il y a plein d'affaires. Je ne vais pas toutes les survoler parce que, comme je te dis, j'ai fini de travailler hier. J'ai eu un christi de problème de client à job qui est en train de menacer un employé. Fait que j'ai dealé avec ça. Puis là, c'est comme je me suis rattrapé un peu ces nouvelles de BlizzCon. Après ça, je me suis réveillé, puis on est ici, puis ça fuckait un peu mes nouvelles. Mais ils ont annoncé, il y a un jeu qui s'appelle Heroes of the Storm. C'est un jeu qui est un petit peu, si vous connaissez Dota, League of Legends, les genres de jeux de brawl où on joue en équipe à 5. Ça a-tu rapport avec Marie-Claude Bonnet, ça? Dans quel Heroes sens? Heroes of the North. Non, excusez-moi, mes trompines, c'est Marie-Claude. Méchant jeu. Oh, moi, ces affaires-là. Puis, ce jeu-là, habituellement, c'est un jeu que tu joues 5 joueurs. 5 contre 5. Puis, ils ont annoncé un personnage qui s'appelle Show puis Showgirl. C'est comme deux gros ogres. Show pas girl. Des orques, des ogres. Vous avez compris la distinction ici, hein? En vrai. C'est bon. Vous autres qui mangez votre dîner, orc, ogre, non, c'est bon? OK, ouais, c'est bon. OK, good, lui, good. Il connaît ça en esti. Mais il y a un ogre qui s'appelle Show puis Showgirl. C'est deux têtes. Puis ben ils ont annoncé une nouvelle formule où ils ont un personnage qui joue à deux joueurs ensemble. Fait que genre... Non! André est chez eux. Moi, je suis chez nous. Moi, je contrôle Show. Toi, tu contrôles Showgirl. Hey, ça va être beau, ça. Ça va être assez spécial. Show puis Showgirl sont dans un bateau. Show puis Showgirl sont dans un bateau. Il y show en a pas tombe. Un qui peut tomber. Ça finit là, la joke. L'autre, il suit. Mais je trouve ça vraiment intéressant, le concept d'avoir les deux personnes. Comme tu vas vraiment contrôler avec deux personnes un personnage. Puis la manière qu'ils vont présenter le personnage, c'est qu'ils vont le donner gratuit à juste une certaine personne, une certaine quantité de personnes. Puis pour l'avoir, tu dois jouer avec quelqu'un qui l'a. Alors, les gens qui l'ont vont devoir jouer avec des gens pour donner le personnage. Puis j'aime... Fait que c'est comme l'herpès. C'est-tu quoi, André? Ouais, mais tu décides à qui tu le donnes. C'est ça, tu décides à qui tu donnes Showgirl. Tu décides comment est-ce que tu donnes Showgirl. Ouais, c'est vrai. C'est... Contrairement à l'herpès, tu peux juste le donner une fois, par exemple. Ah oui? Oui. Ah, le friend code, il est plus utilisable ben, j'imagine. Après. J'imagine. J'aimerais que vous notiez combien de fois qu'eux ont été interrompus pendant leur nouvelle. Puis après ça, regarder à moi 2 secondes, puis avoir un petit sentiment de pitié. On a du temps à remplir. Vas-y, Rick, come on. Fais pas comme si t'étais pas habitué. Ça fait 67 épisodes, quand même? Oui, en passant, ça fait quand même 67 épisodes. 3 ans que le Geek Collectif fonctionne, puis on s'est encore pas intertués. Puis les trois ici, c'est les trois du début un peu. Les OG. Les OG, ouais. C'est quoi le signe, Milton? Milton, présente le signe OG, s'il te plaît, parce que t'es in. Je sais pas, moi. Milton, c'est comme notre Joachim Phoenix qui a poussé une barbe et des lunettes. Ouais. Pis... Non, la lunette, c'est parce qu'il y a un spot. On va apprendre dans une couple de mois que c'était tout un acte. Ouais. Ouais. Fait que showgirl, Eric, close-moi la boucle là-dessus. Il y a rien à closer là-dessus. C'est l'herpès de Heroes of the Storm. Parce que je trouve que ça marche très bien, ça, en passant. Mais qu'est-ce qui est hot, c'est que t'as pas besoin d'aller à une visite docteur. Puis aussi, t'as pas besoin de te faire crisser un genre de Q-tip dans le... tu sais, quand tu dans le showgirl. Dans le showgirl, là, puis comme tu ouvres la porte. Merci, Eric! Ouais. Juste pour tester, là, c'est que ça non, fait Geekfest. Mais oui, le Geekfest s'est fait aller pas mal. Hein. Mais dans les autres nouvelles aussi, on a eu, parlant de bande-annonce... Puis là, ben, je vous le dis d'avance, si les gens n'aiment pas les divulgacheurs, Milter, je dis ça pour toi. Oh! Dis jamais ce fucking mot-là. J'aime pas ça. Spoilers! Quand on dit des francisations de mots. Moi, j'aime ça parce que ça me fait rire. Ouais. On dirait qu'ils se forcent pour que ça sonne poche. Mais voulant dire le que. Le percheron égo portrait. Tu as gazouillé là-dessus. Il y avait comme un duel de bande-annonce cette semaine parce qu'on a eu le droit également à une nouvelle bande-annonce de Star Wars. OK, le duel en passant, j'ai rien noté, je voulais le dire, ça, je vais continuer mon affaire. Là, mais Star Warcraft. Warcraft, c'était noté, ça faisait des années pour être Noël 2015. Puis, calice, Star Wars est sorti de nulle part. On s'entend que Star Wars 7 est sorti de nulle part. Là, hein? Tout le monde est d'accord. Là, deux ans et demi passés, là, jamais dans notre esti de vie, on pensait Disney, que ça allait arriver. Tout d'un coup, Lucas, il prend 4 milliards, puis wow, épisode 7. Hey, parlant de 4 milliards... Mais Warcraft, il a été repoussé à cause mini, de ça. Mini parenthèse, c'est-tu pas dégueulasse que Candy Crush a été acheté 6 milliards quand Star Wars a été acheté 4 milliards? Fin de la parenthèse. Dormez là-dessus à soir. En fait, continuez. Qu'est-ce qui a coûté moins cher que Candy Crush? Je sais pas. Attends, Marie-Chantal Toupin a sûrement coûté moins cher que Candy Crush. C'est encore drôle, hein? Ouais. La coke, c'est cher. Musique plus... OK, bon. Non, ça sort bien. Quand on perd le contrôle de notre propre émission. Mais voulant dire, il y a une nouvelle bande-annonce de Star Wars qui est sortie. Puis moi, mon gros plaisir ces temps-ci, c'est me lever le matin, prendre un petit thé, m'asseoir devant l'ordi, puis lire les théories des gens sur Star Wars qui analysent frame par frame. Faites-en pas, Chuck, on ne te spoil rien. Ah, moi, je vais tout spoiler, j'ai un inside, Milton me l'a dit. Mais voulant dire, c'est que les gens analysent frame par frame un trailer. Fait que toi, t'es-tu en train de parler de la grosse affaire de Kylo Ren is Luke Skywalker? Ben, moi, je pense que Kylo Ren, c'est Chewbacca. C'est super simple. Moi, je crois pas. Chewbacca meurt, hein, on l'a appris hier, ouais. Ça, non? Ben, certainement. Écoute, Chuck, merci. Chuck. Oh, mon Dieu. Hey. Mais somme toute, ce que je trouve, puis où je voulais en venir avec ça, c'est que avec l'arrivée des internets, puis là, on a eu les previews. C'est récent, là, les internets. C'est ça. Ouais, mais moi, je capote. J'ai avec le dial-up chez nous, 56K. Netscape. Non, Opera. Opera, il va plus vite. Okay. Il y a un peu de respect. Web crawler. Mais voulant dire, c'est que le monde commence à... Comment dire? Vouloir se gâcher leur fun d'avance. Chuck, je t'entends dire calice, puis je te comprends, parce que... Les gens vont analyser frame par frame les trailers, puis vont se faire une opinion du film avant même qu'ils sortent. Ils te sortent des théories de loin au champ centre, là, c'est incroyable. Si je me fie à Internet ces temps-ci, Luke Skywalker est soit mort ou vivant, dans le light side ou dans le dark side. Là, le monde sont surpris qu'il y a une main de robot. Maintenant, il arrive en ville. Ouais, ça c'est il y a spoilers pour ben ouais, le monde, il y a plein de robots dans le film. Puis là le monde, ils font des théories sur Kylo Ren, puis où je vais en venir avec ça, c'est qu'il y a des Wikipédia de Star Wars avant même que le film sorte qui explique mettons l'ordre des Knights of the Ren puis des affaires de même, puis moi je veux juste savoir ils prennent ça où, parce que moi je pense que c'est du fanfiction. Ben c'est allé du fanfiction. Wikipédia, c'est totalement. Je pense qu'il y a un gars qui est en train de s'écrire son propre scénario. Puis de le pousser tranquillement, pas vite, aux médias. Puis que J.J. Abrams, il rit bien raide pendant ce temps-là. Il rajoute une coupe de lens flare là-dessus, puis il tripe bien Too raide. Soon, man. Too soon. Too soon. Moi, j'ai une théorie qu'on va revoir Jar Jar Binks, puis qu'il va revenir pour avoir une image rétablie. Moi, sais-tu quoi? J'ai quelque chose à dire sur Jar Jar Binks tout de suite. C'est pas pour le défendre, mais tout le monde l'haït pour les mauvaises raisons. Tout le monde l'haït parce qu'il est énervant, parce qu'il y a une voix de cul. Christy! Il a donné de l'avance pour l'Ordre 66. Pourquoi il nous écoute, ce monde-là? Il a chié, puis tout le monde... Mais non, mais... Oh, il est laid. Il parle pas bien. Non, non, non, vrai, non. Par exemple. C'est lui qui a mis l'ordre. Il gosse. C'est lui qui a tout fucké l'affaire. Mais si on s'en calisse. Imagine si Jar Jar est Kylo Ren, puis qu'il a juste mis un masque parce qu'il est laid. Puis il s'est dit, je vais mettre le masque là, je vais devenir un evil dude avec un lightsaber en forme de croix. Puis là, tout le monde va dire comme, oh shit, Jar Jar, il est hot finalement. Sais-tu pis... qu'est-ce que j'aimerais, moi? Que Kylo Ren, en fait, ça soit Nicolas Cage. Oh! Si que ça serait... Oh. Ça, mais, je te jure, mais Internet explose! Mais Nicolas Cage, dans le rôle dans Face Off, quand il est en train de jouer John Travolta. Dans Kylo mais Ren. Mais en Kylo Ren. Ah, oh, ça. Hey, j'ai ma théorie, je peux-tu la dire, ben, moi? Prends ta théorie, on va prendre celle du public par la okay, suite. OK, on va aller avec la théorie du public après, mais préparez-vous. Moi, je crois que la balance à la force, elle a été mise, comme ça a été dit que c'était pour arriver. Mais je crois que Luke, après, ben, à cause qu'il est le dernier qui reste, il est tordu entre les deux. Il est tordu entre le bien et le mal. Comme le yin et le yang comme dans Luke. Ouais, mais c'est ça. Mais là, t'enlèves le yin, t'enlèves le yang, puis là, il reste juste plus rien. Il reste juste comme le groupe de danse des années 90, là, yin-yang crew, yin, là, whatever. Ouais. Yin-yang twins. Oui, yin-yang twins, ouais, c'est ça. Mais t'as juste Luke qui est pris entre les deux, puis il est tordu. Puis c'est ça qui se passe un peu. C'est ça qui se passe, puis c'est ce qui arrive. Mais là, hein? Tu viens de spoiler le 8e film, genre. Non. Ça, on va l'apprendre mi-chemin à peu près. On a eu des threads sur le groupe du Geek Collectif où quelqu'un sortait avec des théories vraiment trop plausibles. Puis je me sentais comme comme à un moment donné, il sortait des storyboards que les gens ils ont trouvé des liens avec les storyboards du film. Puis j'étais comme Chris. Mais c'est rendu loin. Le monde blâme les annonces de Duracell de spoiler le film. À un moment donné, tu sais. Ferme tous les types de médias traditionnels. En fait, si tu ouvres une boîte de Kraft Dinner Star Wars, en dedans, il y a justement le synopsis. J'en ai une dans mon char, le pire. on ira checker, on ira checker ça, c'est hein? Dans j'en ai une dans mon char. Moi, je veux savoir, qui dans la foule a une théorie sur Star Wars qu'il voudrait partager avec nous? Viens, la main, là, tu viens. C'est comme le Price is Right. Tu peux monter en haut, là. Tu vas gagner un de nos prix, là, on donne des jeux gratuits à la fin, là. Tu vas voir, là. On voulait pas le dire parce qu'on savait que tout le monde aurait levé. T'as-tu vu quand t'as dit que tu gagnais un prix, il a été réticent de s'approcher du stage? Tu es le gars des orques? C'est correct, non, viens, c'est correct. Non, viens, attends, gêne-toi pas. Là, présentement, on a le théoriste Star Wars qui s'approche, qui est sorti de la foule de nulle part. Quel est ton nom, mon cher? Nathan, bienvenue au collectif. On attend ta théorie. Fait que Nathan, explique-nous ta théorie sur Star Wars. On attend ça. Ben, moi, je suis pas mal sûr, c'est Jar Jar Binks qui est Kylo Ren. Yes, Nathan. Ah, OK, fait que toi, tu fais juste donner du support à une de nos théories. Mais c'est ça qui se passe? Ça fait du sens quand tu check ce qu'il a fait dans les autres films. Oh boy, OK, attends un peu, on veut l'approfondir. Chuck, je m'excuse, mais c'est pour le bien du show. Tu peux pas nous en vouloir, là, mais... Au pire, fait... Fait que Nathan, Jar Jar Binks et Kylo Ren. Ouais, OK. Ben, une des plus grosses théories que je pense, c'est que Jar Jar Binks, c'est un Sith Lord. OK. Il a mis Palpatine au pouvoir. C'est lui qui a mis... c'est lui qui a dit aux autres sénateurs de l'élire comme empereur. Il a mis Padmé enceinte aussi. Non. Je pense que j'ai pas écouté le même film, ça, finalement. Mais... Ça, c'était un fanfiction porn, André. Ouais, mais je me perds. Hey, les subreddits à Star, là, c'est facile de se perdre là-dedans. Là. OK, fait que Jar Jar Binks serait le prochain Sith Lord. OK, c'est bon. C'est ça ta théorie? Ouais. Okay, ouais. Tu gagnes un prix en passant. Moi, j'approuve Nathan dans sa théorie, par exemple. Oui, je sais. Totalement d'accord. Hey, attends un peu, Eric, on va poser la question qui tue. Connais-tu Milter? Non. OK, est-ce que Milter t'a payé? Non. Ben... Cligne des yeux deux fois si Milter t'a menacé. OK, il a cligné deux fois. Milter? Bon. C'est moi. C'est lui. Yes, j'adore. En passant, bienvenue au collectif. On est un podcast, on est en public. Mais là, tu viens de gagner. Moi, dans mon sac, j'ai trois jeux. T'as-tu un PC? Oui. Good, parce que tu vas pouvoir jouer un de mes jeux. Une mystère. Chance. Là, t'aurais été fourré, maudit. Donner, là, ce qui est chien, c'est que lui, là, il est comme un enfant Noël. Il est comme, all right, cool, je viens de gagner un jeu. Ouais, moi, je travaille à une compagnie. En plus, j'ai accès à c'est plein de jeux. C'est pas Fallout 4, je te le dis tout de suite. Ouais, là. C'est ça. C'est Fallout 5. Oh, on est plugué. Ouais, c'est ça. Alors, le jeu que je présente à Nathan, c'est Monsters vs. Aliens. Un jeu pour enfants. Au Windows PC. Hey, j'ai eu de la misère avec ça. C'est un Games for Windows. Félicitations. T'as-tu aimé le film? Non, ben tu devrais le regarder. Tu joueras le jeu, puis on attend une critique. Puis Nathan, tu peux te ramasser un T-shirt sur la table oui, en si bas. Oui, si tu veux un T-shirt, aussi, tu vois, c'est ta grandeur. Ben, merci beaucoup, Nathan. On applaudit Nathan qui est venu. Merci, guys. Yeah, ça fait plaisir. Un podcast comme ça. Ça fait plaisir, Nathan. Merci. Ben là, tu peux venir quand tu veux. Y a-t-il d'autres mondes qui ont des théories sur Star Wars? En fait, on va élargir ça encore plus loin. Le collectif, le but, c'est de prendre des geeks passionnés puis de les apporter dans notre émission pour les gens qui nous ont jamais écoutés. Donc, il y a certains épisodes où on est seul, mais parfois, on va avoir des invités qui vont venir nous parler de leur passion. Puis, ben, on pourrait prendre un autre invité qui pourrait venir nous parler de n'importe quoi présentement. Là. C'est vous allez open avoir un mic. Mystère. Ça a l'air intimidant de même. Si personne vient, ça va être super malaisant parce qu'on n'a rien préparé. J'aimerais noter que je suis prêt à prendre une étudiante pour savoir c'est quoi vous étudiez aujourd'hui à Maisonneuve. Ouais, le samedi, qu'est-ce que tu fais à l'école, Esti? Es-tu si tough que ça, ton cours de méthode? OK, on a quelqu'un qui se lève la main. On a quelqu'un qui se lève la main. Oh! Je vois même pas c'est qui parce, non, parce qu'il y a qu'on a un spot, on va lier en passant oh, en ce moment. Une je lui passe mon. Hey, micro. Cool, ben c'est toi, let's go. Écoute, Éric a crashé ton podcast, donc tu peux te permettre de. Exactement, je viens de crasher votre podcast en ce moment parce que t'as crashé le mien tantôt. Fait c'était, que... pas, c'était pas. Ouais. Fait plaisir. Non, mais c'était un bon crash. De j'attends podcast, ton friend request à Battle.net. Oui. Je vais juste ajouter sur Twitter. Ça marche. Oh, OK, c'est ça, on est juste là. Donc, ben, le micro est libre. tu nous parles de ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas, peu importe. Ben, moi, je suis une passionnée de Lord of the Rings. Okay. La première trilogie de Peter Jackson. Pas le Hobbit, j'ai pas écouté. Oh, j'ai pas été voir le Hobbit. Oh, personne t'a jugé. Tu t'es laissé les gens te juger pour toi. Mais non, c'est moi ça. Non plus, je l'ai pas vu de Hobbit, fait que je te back là-dessus. OK, merci, Milter. On va être des bons amis. Fait qu'à quel point t'es geek de Lord of the Rings, geekette de Lord of the Rings? Ben moi, tu peux me poser n'importe quelle question pendant le film. En fait, t'as même pas besoin de me poser des questions. C'est moi qui vais être comme une pop-up bobo. OK, j'ai une question. OK, vas-y. C'est quoi la pointure de soulier à Frodon? C'est sûrement du 3 ou quelque chose comme ça. Bullshit. En Hobbit. Va chercher ça tout de suite. André, je pense qu'il y a une question. Non, mais attends, il y a un magicien là-dedans, je suis pas mal sûr. Un moment donné, il est habillé en blanc, puis il me semble. Non, il est en gris ou il vire en blanc? Il est en gris. C'est ça, hein, ouais. Pourquoi il change de couleur? C'est comme les Pokémon, il a évolué. En passant, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je pense qu'il parle de Gandalf. Ben oui, j'avais des doutes entre Gandalf ou Saruman, mais non, c'est Gandalf, okay. C'est sûr. Parce que, en fait, c'est ça, il évolue, en fait, Gandalf. Moi, je suis pas la fan finie de Tolkien qui livre tout. Mais il level up dans le fond. Mais oui, il y a comme évolué dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Là. Il est comme passé d'un autre monde, c'est même spirituel, presque. Enfin, il y a des théories là-dessus. Mais attends, on veut l'entendre, oui. Cette théorie-là, là, justement, si c'est spirituel. Vas-tu toucher son combat avec Balrog, genre, c'est ça? Parce oui, que... mais Balrog, avec le Balrog, c'est pas le boxeur dans Street Fighter, ça? C'est parce qu'il se bat contre le Balrog, c'est comme une de ses peurs, en fait. Ouais. Il a vaincu sa peur, de là, il a comme monté d'un niveau. Cool. Est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi ou il y en a qui veulent me backer? Écoute, t'as un micro, personne ne peut t'ostiner. Regarde, okay, la preuve, ouais. On le fait quotidiennement. Moi, je viens de checker sur Internet, puis il n'y a aucun registre de la grandeur des pieds à Frodon. Excuse, t'es-tu allé sur Reddit? Je suis sûr qu'il y a un subreddit qui existe de ça. Ouais. Est-ce qu'on veut s'aventurer dedans, par exemple? Ouais. Une question, c'est quand est-ce que tu as découvert ça, puis pourquoi? Comme c'était quoi le contexte? Ben moi, j'étais au Cégep, au Vieux-Montréal. C'est un devoir. Non, même pas. Même pas, c'est ça, c'est au Vieux-Montréal. Fait que tu fais pas vraiment tes devoirs au Vieux. Mais non, c'est juste que je m'étais... J'ai vu le premier film, puis à partir de là, s'ensuit une descente aux enfers où est-ce que je vais passer trop de temps sur Internet, puis à regarder des trucs en wave. Mais c'est pas l'enfer, Internet. C'est la preuve, Milter, il réside. Donc, c'est un endroit chaud et douillet où... Ouais. Alors j'ai un prix aussi. J'ai gagné en passant un excellent livre avec vous autres. Mais toi, tu as gagné un prix. C'est le grand jeu de Ubisoft. Tu connais-tu Ubisoft? Ben, ça me dit quelque chose, vaguement. Ouais, Ubisoft font des jeux. On comprend tout le 2 degrés de connexion de personnes qui travaillent chez Ubisoft à Montréal. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Ubisoft. Mais j'ai sorti un organe classique que je voulais offrir à quelqu'un. Puis, ben, félicitations, tu viens de gagner CSI Miami. Oh, wow! Hey, j'ai besoin de lunettes fumées, là. Y a-tu quelqu'un qui a ça? Milter? Yeah! Ouais. Lâche-nous un yeah dans le micro. Là. T'as des lunettes fumées ici. Un petit yeah. Yeah. OK. Bon. All right. Fait que je vais essayer de regarder ça passionnément. Tu peux nous envoyer des screenshots ou des reviews sur le Twitter, non, mais c'est le ça, Facebook, quand, peu importe. Quand je donne un jeu, j'attends au moins une critique de au moins 3000 mots. Écoute, c'est sûr que je vais jouer, puis je vais te donner des reviews, puis je vais t'en parler après. C'est bon, après. J'ai hâte de voir ça. Merci de t'être joint à nous. On t'invite. Tu peux aller prendre un chandail également en descendant. Oh, il y a un t-shirt. C'est malheureusement la fin de notre aventure impromptue. Un moment donné, on invitera les geekettes tout court, les deux, au podcast, je pense à ça, s'ils veulent. Ouais, OK. C'est un show de geekitude quand même, donc ça serait assez intéressant. Ouais, il y a un lien, genre. C'est malheureusement la fin, mesdames et messieurs. Donc, ce fut fort agréable pour nous en cette première expérience en direct, on, live. On fait-tu comme Jean-Marc Parent, puis on comment qu'ils disent ça, là? On flash les lumières, non? Ben, je sais pas, faudrait que ça le déployer, le hotbox en avant. Somme toute, on aimerait remercier le Nexus Smart Bar et iRepair Montreal pour leur fabuleuse intervention dans le podcast Mania. Geekfest de nous accueillir également cette année. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui sont arrivés à mi-chemin entre deux, trois bouchées de sandwich, nous sommes Geek Collectif, le podcast, balado-diffusion de culture populaire. Vous pouvez nous rejoindre au facebook.com/geekcollectif, le podcast, sur Twitter, Geek Collectif, et sur le www.geekcollectif.com. Également, ben, si vous avez apprécié l'émission, on vous invite à utiliser votre monnaie sociale. En gros, le podcasting au Québec, ben, c'est gratuit, c'est fait par des gens passionnés. Et si vous aimez le contenu qu'on vous offre, ben, la meilleure chose, c'est de le partager, de faire écouter votre beau-frère dans un voyage de pêche en montant à Thetford Mines, ou tout simplement en partageant l'épisode sur Facebook. Allez laisser une critique sur iTunes, de préférence positive, de préférence de 5 étoiles en montant. Mais si vous laissez 5 étoiles, vous pouvez écrire n'importe quoi sans crise. Le pire, c'est que oui, pour 5 étoiles, vous pouvez nous insulter, il n'y en a pas de problème. Donc, Milton, les gens qui voudraient te suivre... Oh, merci. 5 étoiles, drette là. On vient de faire 5 étoiles. Alliance fan. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi. Sur, c'est quoi, non? Comment ça s'appelle? Twitter? Oui. At Zombie Milter. Puis partout ailleurs, Milter 187. Quand je dis partout ailleurs, je parle des consoles de jeux. Puis sinon, Facebook, écrivez mon nom, mais préparez-vous. C'est Éric? Ça. Montréalien sur Facebook, tu vas me voir, je suis pas mal actif. Puis Priced, hashtag 1387 sur Battle.net. J'accepte des challenges à Hearthstone, même ici, si vous voulez. Puis si je perds, ben, on va faire du arm wrestling. Puis si je perds, ben, on va faire de la wrestling gréco-romaine. Il veut puis pas si perdre. Si je perds, je vais comme crier fort. Puis je sais pas, on va trouver de quoi. Là, on va sortir des quéquettes ou je sais pas. Ah, je pensais qu'on aurait fait un épisode sans mentionner quéquettes. Merci on mentionne jamais quéquette, on dit graine habituellement. Pour les gens qui veulent interagir avec moi, mon nom est André Paquette. Vous pouvez me retrouver sur Uzumaki QC, sur Instagram, Twitter, Facebook, console, peu importe. Merci à tout le monde. C'était fort agréable comme premier live et on se revoit sur les internets dans vos oreilles. Ciao! Woo! C'était le Geek Collectif, comme le Board Collectif.